pas encore faire beaucoup de jaloux. Et moi, Mary Lou, je t'attendrai, car vois-tu, Mary Lou, je ne suis pas fou. Sur la plage, les garçons se font bien des illusions, mais toi, tu les fais marcher sans façon. Tu finiras par comprendre que l'amour est chose tendre. Un jour, à ce jeu, tu te laisseras prendre. Hey, hey, hello, Mary Lou, tes copains ne te feront pas toujours les yeux doux. Mais moi, Mary Lou, je t'aime bien, toi aussi tu m'aimes et tu l'avoues. Peace.